Prononciation, intonation, exercice 60. Exclamation de quantité. Appréciation exclamative. Écoutez. C'est fou ce que vous me rappelez ma cousine disparue. Répétez. C'est fou ce que vous avez changé. C'est fou ce que vous êtes belle. C'est fou ce que vous me plaisez. C'est fou ce que vous dites là. C'est fou ce que j'ai dû travailler pour y arriver.